Chapitre 9e, le petit chaperon rouge. Parfois, pendant l'été, en haute montagne, il arrive que tout à coup on sente sur soi peser l'atmosphère pareille à une lourde angoisse. Le ciel se charge de gros nuages en balles de coton qui se précipitent vers la fournaise étincelant des éclairs. Au loin, le tonnerre gronde comme s'il décapitait des cimes. Les villages, les forêts, perdus à l'horizon, se rapprochent. Les torrents accentuent leur grondement. On s'attend à quelque formidable cataclysme. Et puis, alors que l'on espère guère, le soleil se réconcilie avec le ciel qui lui livre passage dans une fraîche trouée bleue. Villages et forêts s'éloignent. Les torrents chantonnent. Sans doute, cet aigle qui s'élève sur ses larges ailes remporte-t-il, dans son bec, à Jupiter, une foudre à présent inutile. Il semblait qu'en ce moment, il en fût de même de l'existence de Delbon. L'orage qui la menaçait s'était dispersé. Elle coulait, insignifiante et douce. Il paraissait au lit, le matin, parcourait le journal, sans trop se soucier du triple assassinat de Ville-d'Avray ou du conflit qui s'envenimait entre les États-Unis et le Japon. Apprécia leur valeur les succulents repas qu'on lui servait et sans se lasser découvrait un peu plus, chaque jour, d'une contrée charmante. Repris par son goût assez vif pour la minéralogie, il écornait gravement des rocs au hasard de ses promenades et, ne craignant pas lire d'une ménagère parcimonieuse, remplissait ses poches de cailloux qu'il examinait patiemment sous la loupe à la veillée. Tout conspirait à assurer cette tranquillité provisoire. Il ne rencontrait plus Gresset et ne le rencontrerait plus de quelque temps. Il en avait l'assurance formelle. Un jour, qu'ayant traversé le lac, il regardait la façade silencieuse de la maisonnette du gardien des villas. Un naturel, inquiet de le voir là, parce qu'il pêchait avec des engins prohibés, demanda « C'est-il que vous voudriez voir Delphin ?»« Pouh !» fit évasivement Delbon. L'autre reprit, empressé à rendre service et se débarrasser d'une présence suspecte. « Il n'est point ici, pour l'instant et pour le quart d'heure. Paraît qu'il est à Paris. Où ce qu'il a à faire ?»« Qu'il reste et que la peste l'emporte !» souhaita aimablement Delbon, sans toutefois exprimer à voix haute cet énergique désir. Et il s'éloigna, plus allègre encore, avec le pressentiment que ce jour-là lui réservait de charmantes surprises. Effectivement, un demi-kilomètre plus loin, au détour d'un sentier, il se trouva face à face avec la jeune fille qu'il n'avait pas revue, mais en présence de qui il espérait bien être remis par le destin. Elle était comme à l'ordinaire vêtue avec une élégante simplicité, une blouse bouffante d'où s'échappaient ses beaux bras nus, s'échancrait à la naissance de sa gorge et un béret rouge tiré sur ses lourds cheveux ajoutait à son charme d'enfant mutine. Il portait dans une poche intérieure le moyen de rentrer en grâce auprès d'elle, si tant est qu'elle lui garda rancune. Il s'approcha d'elle, demandant « Vous n'auriez rien égaré, mademoiselle, par hasard ?» La réponse se précipita. « Aussi, et même sans doute pas loin, un bijou auquel je tenais, car il est l'unique souvenir de l'existence d'une grand-tante. » Il la rassura. « Ne vous désolez pas, mademoiselle, voici votre collier. » Je vous l'aurais même fait déjà tenir si je n'avais pas compté un peu, et même beaucoup, sur l'occasion pour vous le remettre en personne. Ce qu'elle était heureuse. Ses yeux s'animèrent, ses doigts délicats tremblèrent d'émotion sur le fermoir du joyau qu'elle agrafa de suite autour de son cou. Et elle retrouva son ton délicieux badin pour remercier. « Que vos péchés vous soient remis, monsieur, pour la bonne grâce que vous avez mise à me restituer mon bien. » Décidément, apprécia Delbon, dans son fort intérieur, l'honnêteté parfois récompensée. Le plaisir dont témoignait la jeune fille le ravissait au point que son propre avenir se peignit aussitôt sous des couleurs d'enchantement. Il estima même que la récompense était disproportionnée à la peine, quand deux ou trois jours plus tard, rencontrant à nouveau l'inconnu, elle vint à lui, en bonne camarade, la main tendue. Ils causèrent et dès lors, ses conversations amicales se multiplièrent d'autant plus qu'il usa, assez souvent, de ruses et d'adresse pour la rencontrer. Et le destin, volontiers malicieux, semblait de mèche. On bavarda. On entra dans les confidences, aussi avant que l'aimable personne le tolérât. Ne diminuait-elle pas, à dessein, par un trait railleur, une réflexion piquante ou cocasse, la portée des libres expansions où elle révélait une âme tendre, confiante et ingénue? Plus tard, bien plus tard, il devait se rappeler avec attendrissement un de leurs propos les plus courts. Elle longeait un tracé qui serpentait capricieusement à travers bois. Dissimulé par un large tronc, il s'évertuait avec sa canne a coupé longitudinalement une fourmilière pour surprendre sur le vif l'affairement, cependant ordonné, des héminoptères. Elle ne l'aperçut pas. Il la laissa passer, puis, surgissant de l'ombre des arbres, avança rapidement sur elle en ligne droite. Le bruit de cette marche précipitée l'effraya un peu. Avec un houle-corps, elle se retourna. Son béret écarlate allumait, dans l'or de sa chevelure, des reflets d'incendie. Il trouva la dénomination qui convenait. « Que le petit chaperon rouge ne s'alarme pas !»« J'ai donc bien l'air d'un loup pour occasionner une telle peur !» Chose étrange, elle ne riposta pas, du tac au tac, comme d'habitude, par une plaisanterie à une plaisanterie. Une mélancolie voila ses yeux. Il répondit avec une sorte de tristesse. « Bon, être mangé quand on se sent si seul !» Elle perçut qu'il était peut-être trop ému par cet aveu non voulu. Elle coupa court. « Je n'ai pas de galette à porter à la mère grand, mais je n'en suis pas moins pressé. Je me sauve. » Elle s'éclipsa. Il se revoyait donc et il apprit sur elle mille choses, et il accueillit chacune d'elles comme une révélation d'importance. Elle se nommait Perrette Limoz, une Perrette, commenta-t-elle qui n'avait pas encore renversé son pot au lait. Elle adorait dessiner, le paysage surtout. Les mathématiques l'ennuyaient à lui servir de somnifère au point que, si elle redoutait de ne pas dormir, elle ouvrait son traité de géométrie. Madame Leroy avait été malade, juste assez pour qu'on la plaigne, et que ses élèves bénéficient d'un jour de congé imprévu. Si elle adorait le dessin, elle raffolait aussi de la musique, quoique son professeur, Mademoiselle Alix, eût tout ce qu'il fallait pour la dégoûter sans merci des dièses et des bémols. Intéressé, il l'avait arrêtée sur cette confidence pour lui demander de tracer le portrait de la vieille fille. Ce devait être une vieille fille, assurément. Ne vous croyez pas surtout obligée d'être indulgente. La recommandation était inutile. Avec des mots, des sourires, des soupirs comiques, elle avait esquissé une ébauche pas plus flatteuse que charitable. Imaginez-vous une grande perche à n'en plus finir, plate, sèche, maigre. Nous l'appelons l'os de sèche. Juste assez de cheveux pour qu'on en regrette les parties. Un minimum de dents qui rappelle la fable de l'aveugle et du paralytique. Vous savez, l'une soutient l'autre, avec tant de peine qu'elle en branle. Elle n'a d'abondant que le nez, oui. Et il faut reconnaître ce qui est juste. Une aubergine, mûre, violacée. Et un caractère. Oh, le caractère. Si je tombais dans une touffe d'ortie, je ne serais pas dépaysé le moins du monde et je dirais « Dieu vous le rende, mademoiselle Alix. » C'est cela, songeait-elle. Bon, je me la représentais sous cette image. L'intuition trompe rarement. Et il se félicitait de n'avoir point recherché une compagnie moins que séduisante. Un autre jour, Perrette dit, presque à brûle-pourpoint, car prime sautière, elle passait d'un sujet à un autre, sans l'épuiser, avec une déconcertante facilité. « Vous êtes une véritable vedette, on parle beaucoup de vos pensionnats. » « Ah, très flatté, mais en bien ou en mal ?» Et il se représentait, amusé, une bande de gamines en jupe courte et natte longue, pérorant et pépiant, comme une inlassable volière pendant les récréations. Elle répartit. « Vous êtes trop curieux, vous ne le saurez pas. D'ailleurs, à vrai dire, vous intéressez moins que votre demeure. » Il opina. « Parfaitement juste, elle a plus d'importance que moi, tout au moins par ses dimensions. » Elle répliqua, mutine, « Je prends acte. Si l'on en juge par les racontars, il est ténébreux, votre château du reliquaire. À votre place, j'aurais peur d'y habiter. Brrr. Comment avez-vous le courage? On raconte qu'on ne peut se perdre dans les souterrains et qu'on y découvrirait des trésors cachés, comme dans les romans que publiait le journal de la mode impériale il y a une soixantaine d'années. Vous savez, ou plutôt non, vous ne savez pas. Vous êtes trop sérieux pour lire de ces fariboles. C'est bon pour nous autres, petites filles. On prétend même que votre château est hanté des caves au grenier. Vous me présenterez un spectre, dites, si vous en rencontrez un de convenable. Je meurs d'envie de voir des fantômes. » Il en est parfois des moindres paroles, comme de ces pierres que l'on jette dans une mare, et qui propagent des remous jusque sur les rives. Le bavardage puéril de la jeune fille ramena d'Elbon un ordre de préoccupation qu'il croyait avoir définitivement écarté de son esprit. Comme il revenait, il rencontra le facteur qui ôta respectueusement son képi et annonça « Il y a quelque chose pour vous. » Et il tendit un petit paquet où s'empilait un numéro de la revue des forces hydrauliques, deux ou trois journaux, un prospectus et une lettre. Puis se ravisant, il avança à nouveau la main. « Voulez-vous me rendre la lettre? Elle n'est pas pour vous. » Delmont jeta un coup d'œil sur l'enveloppe. Elle portait « Monsieur Bernard » comme suscription et à l'un de ses angles, le nom de maître Tapabord s'étalait imprimé. « Tiens, tiens, » songea Delbon, « mon domestique est en relation avec le notaire. Il ne me l'a jamais dit. » Le facteur attendait. Delbon déclara. « Ça va, je remettrai le pli au destinataire. C'est que... quoi ? Monsieur Bernard m'a recommandé de lui remettre en main propre la correspondance qui le concerne. » Delbon rassura. « Bon, bon, je suis au courant. Dans ce cas... » Le facteur s'éloigna, conscience soulagée, et l'ingénieur réfléchissant rentra au logis. En remettant la lettre, il épia le visage du domestique. Prédisposé en ce moment à la suspicion, il ne s'étonna pas d'y percevoir du mécontentement, de l'humeur, de l'irritation. Ce furent sans doute les réflexions suggérées par cette attitude qui le préparèrent un instant plus tard à prêter un sens équivoque à un geste surpris de Bernard. Au milieu de son déjeuner, comme il se levait, le dos tourné pour s'emparer sur la desserte de quelques cure-dents, un miroir proche lui révéla un mouvement au moins suspect du domestique. S'emparant du verre de son maître, celui-ci semblait y verser quelque chose, comme l'indiquait une demi-rotation du poignet droit. La nervosité l'emportant sur sa maîtrise habituelle, Delbon bondit et arrachant le verre des mains du serviteur, il s'écria, rouge de colère, « Ah, tu fréquentes Tapabord ! Tu fréquentes Delphin Gresset ! Et l'on désire à tout prix que je disparaisse, n'est-ce pas ? Tu mériterais que je te fasse boire la potion sans doute efficace que tu me destinais ?» Bernard devint vert et pourtant il ne marqua pas d'impatience. « J'ôtais une mouche, » répondit-il, et flegmatique, sans un mot d'indignation ni de reproche, il vida le gobelet d'un trait, en prit un autre qu'il essuya et qu'il déposa sur la table. Ce fut tout. Légèrement honteux d'avoir cédé à une impulsion de cette sorte, l'ingénieur n'osa pas les réveiller le bizarre bonhomme cette nuit-là, quand il entendit dans la maison aller venir des pas assourdis, comme souvent il en avait cru remarquer à différentes heures de veille. Il fit seul sa ronde soigneuse et d'ailleurs ne découvrit rien.